بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On s'est arrêté dans le cours dernier sur le premier point, premier événement de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام qui, je le rappelle, était le fait que la première chose à laquelle il a appelé son peuple عليه الصلاة والسلام est de mettre en garde contre l'association qui est le pire des péchés. Passons maintenant au deuxième événement de sa vie عليه الصلاة والسلام. Le Cheikh dit رحمه الله الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. Le Cheikh nous dit, rahimahullah, que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à les mettre en garde contre l'association et leur ordonner d'adorer Allah seul, ils n'ont pas détesté cela. Ils ont même, comme il dit le Cheikh, apprécié cela jusqu'à même penser à entrer dans l'islam. Jusqu'à que quoi ? Jusqu'à que le prophète alayhi salatu wassalam critique leur religion et critique les savants ou les notables de son époque. À partir de là, ils ont commencé à le combattre de la plus dure des manières. Où est-ce que le Cheikh veut en venir ? C'est ce qu'on va essayer de déceler, inshallah, à travers ce cours. Et pour comprendre cela, on se doit de connaître le message de l'islam. À quoi a appelé le prophète alayhi salatu wassalam son peuple? Il faut savoir que les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam reconnaissaient Allah comme étant le créateur, celui qui donne subsistance, celui qui donne la vie et la mort, etc., etc., comme cela est venu dans de nombreux versets. Parmi ceux-ci, Surat Yunus 10, verset 31, où Allah nous dit « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Traduction. Où Allah il ordonne à son prophète de dire « Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Vous détourner de quoi? Vous détourner de son adoration seule. Car cela fait partie du bon sens, de la justice, de la logique que d'adorer seul celui qui nous a créés seul. Celui qui nous donne la subsistance seul, etc., etc. L'adorer seul, car c'est lui qui mérite cette adoration seul, subhanahu wa ta'ala. Malgré cette clarté dans le message, comment a réagi son peuple? Allah nous dit, Surat Safat 37, verset 35, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, la ilaha illallah, yani point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités, yani l'adoration de ces divinités pour un poète fou. Exactement la même chose qu'a dit le peuple de Nuh à son prophète. Et pour que les gens comprennent cette grande injustice, rien de mieux que de comparer avec un exemple de la vie mondaine. Une personne travaille pour un patron pour une durée d'un mois. À la fin de ce mois, la justice consiste à ce que le patron donne le salaire d'un mois à cet employé, à l'employé qui a travaillé. Ceci, c'est de la justice et c'est totalement normal chez le commun des gens. Si maintenant, il s'avère que ce patron donne non pas la totalité, mais une partie du salaire à celui qui a travaillé et une autre partie à quelqu'un qui n'a rien à voir. Comment cela s'appelle-t-il? Cela s'appelle de l'injustice. Et les gens, sans exception, se révolteront contre ce patron et le critiqueront quant à sa décision de donner une part du salaire à quelqu'un qui ne la mérite pas. Donc, quand cela touche les droits des gens, il n'y a pas de divergence. Pourquoi donc, quand on appelle à l'islam, c'est-à-dire qu'on appelle à l'adoration d'Allah, l'adoration de celui qui le mérite, là, tout d'un coup, les gens ne sont plus d'accord? Le droit d'Allah n'était-il pas assez clair pour que les gens comprennent que c'est lui qui mérite l'adoration? La création tout entière ne suffit-elle pas pour prouver que Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers qui mérite l'adoration? Pourquoi les gens alors prônent-ils, quand il s'agit du droit d'Allah, la tolérance, entre guillemets, qui n'est pas une tolérance, mais qui est une injustice claire, c'est-à-dire le fait de tolérer les autres croyances, tolérer le polythéisme, tolérer l'athéisme, tolérer toutes sortes d'injustices qui touchent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'au contraire, quand il s'agit du droit des gens, on n'entend pas les gens dire « Oui, il faut tolérer ceux qui ne donnent pas le droit à leurs salariés totalement. Il faut tolérer ceux qui ne donnent seulement qu'une moitié, ou bien un tiers, ou bien un quart, etc. etc. » Là, l'injustice est rejetée dans sa totalité. Tout cela prouve bien une chose, c'est que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est ignoré chez les gens et qu'ils n'ont aucune jalousie pour cela. Wallahu al-musta'an. On revient maintenant à ce que dit le shir. Le shir nous informe que quand le prophète alayhi salat wa salam leur a montré la clarté du message de l'islam et de sa justice, ils n'ont pas été contre. De la même manière que si on explique qu'un patron fait de l'injustice envers son employé, il sera forcément d'accord, car cela fait partie de la logique. Certains même vont aller jusqu'à approuver le message auquel on les appelle. Et c'est arrivé à l'époque d'Ibrahim a.s. Wallah nous raconte sur Surat al-Anbiya qu'Ibrahim a cassé les statues qu'adorait et s'attachait à elles son peuple. Ils ont convoqué Ibrahim alayhi salam car ils se doutaient que c'était lui qui avait cassé ses statues. Donc ils lui demandèrent et lui de leur rétorquer intelligemment: Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. C'est-à-dire, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Voilà la prise de conscience. La prise de conscience face à un message qui est clair et logique. Chaque être humain est là. Et c'est ce que veut nous prouver le Shir alayhi salam. Que les gens à l'époque du prophète Mohammed alayhi salat wa salam ne sont pas allés directement contre son message. Ils l'ont respecté. Comme ils le disent à notre époque, on respecte, on tolère. Mais cela ne suffit pas. Ils tolèrent eux car ils savent que c'est la vérité. À l'inverse de nous, musulmans, qui ne pouvons tolérer n'importe quelle sorte d'injustice. Nous, musulmans, on se doit de critiquer l'injustice et de montrer aux polythéistes que leur adoration est caduque et non acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le shirk précise que l'animosité des polythéistes a commencé quand quoi ? Quand le prophète alayhi salatu wassalam a critiqué la religion à laquelle ils s'affiliaient et a rendu ignorants leurs savants et les notables et tous ceux qui suivent cette religion fausse. À partir de là, les problèmes ont commencé. Qu'ont-ils dit par exemple ? Le cheikh nous dit, rahimahullah, wa qalu saffaha ahlamana wa aaba dinana wa shatama alihatana. Et de là, ils ont commencé à jouer avec les sentiments des gens et leur suivi aveugle de la religion de leurs ancêtres, même s'ils savent qu'elle ne repose sur rien. Ils ont dit, ils critiquent notre religion, il a insulté nos divinités, donc ce qui implique que les savants ou les notables ou n'importe qui haut placé sont des gens ignorants. Tout cela afin d'aviver les émotions du peuple de Quraysh. Mais est-ce que cela s'est vraiment passé ? Le prophète alayhi salatu wassalam a-t-il critiquer leur religion ? A-t-il insulté les divinités que son peuple adorait ? C'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah. Il faut savoir avant tout que les divinités qu'adoraient les polythéistes étaient nombreuses et variées. Comme le dit le Shir dans de nombreux ouvrages, certains adoraient les pierres, d'autres les statues, d'autres les arbres, d'autres les personnes pieuses, etc., etc. En ce qui concerne les divinités inertes, telles les statues, on a vu ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam d'elles. Et ce qu'a fait aussi notre prophète alayhi salatu wassalam lors de la conquête de la Mecque. Fait partie donc de la religion de l'islam, de montrer la réalité de ces choses à leurs adorateurs et de leur montrer qu'elles ne méritent pas l'adoration. Ibrahim alayhi salam leur a prouvé par le fait qu'elles ne parlaient pas, et dans le Coran il existe énormément de versets montrant que ces choses inertes ne méritent pas l'adoration. Parmi ces versets, Sourate An-Nahl 16, verset 17, où Allah nous dit: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Et dans un verset lui ressemblant, Sourate Ra'd 13, au milieu du verset 16, où Allah nous dit: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Ou donne-t-il à Allah des associés, yani dans l'adoration, qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit Allah est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, c'est lui qui mérite donc seul l'adoration. Donc Allah a dit, Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. On a aussi Surat An-Nahl 16, verset 20, où Allah nous dit, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés, ils sont morts, c'est-à-dire des choses inertes. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. À l'inverse de qui ? À l'inverse d'Allah, Al-Hayy. À l'inverse d'Allah, qui a parmi ses noms le vivant, subhanahu wa ta'ala. Si montrer donc la réalité de ces choses inertes est une critique selon eux, eh bien oui, le musulman se doit de critiquer leur divinité, c'est-à-dire de montrer leur réalité et leur faiblesse. Et c'est exactement la même chose pour les divinités que certains polythéistes ont adorées, telles les prophètes, les anges ou les hommes pieux. Car selon eux, montrer la place qu'ont ces créatures auprès d'Allah, aussi grande soit-elle, leur place étant que ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne méritent donc pas l'adoration. On reconnaît leur faveur, leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi c'est Allah qui les a choisis et favorisés face à beaucoup de ces créatures, mais malgré cela, ils n'ont aucun droit à l'adoration, car l'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le cheikh dit, rahimahullah, wa ma'loum annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yashtum Isa wa ummahu wa la al-mala'ikata wa la al-salihin. Et il est connu que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam n'a pas insulté Isa, ni sa maman, et ni les anges, et ni les personnes pieuses. Qu'est-ce qu'il a fait alayhi salatu wa sallam? Il a juste dit que ces créatures, malgré leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne méritent pas l'adoration. Regardez par exemple ce qu'Allah dit par rapport à Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Surat al-Maïda 5, verset 75. « Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Donc on voit bien qu'on donne la place légitime qu'à Isa alayhi salam ainsi que sa mère. Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, est un prophète et envoyé. Et sa mère une véridique. Méritait-il pour autant l'adoration? Allah nous dit, et tous deux consommaient de la nourriture. Parmi les preuves qu'ils ne sont pas des divinités et qu'ils ne doivent pas être adorés, le fait qu'ils consommaient de la nourriture. Donc ils étaient pauvres. Ils avaient besoin de la subsistance qu'Allah leur a accordée. Voilà pourquoi Allah nous dit juste après, vois comme nous leur expliquons les preuves. Et puis voit comme il se détourne. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a donc pas critiqué les prophètes, ni les anges, ni les personnes véritablement pieuses. Il a juste dit qu'elles ne méritaient pas l'adoration. Et c'est exactement ce que dit le shir. قال ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. Mais à partir du moment où il a évoqué qu'il ne devait pas être invoqué ou bien tout simplement adoré, et qu'elle n'avait le pouvoir ni de faire le mal ni le bien, comme Allah dit juste après dans le verset où il a évoqué Isa alayhi salam, Maïda, verset 76, dit « Adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien ». Donc le fait que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit que les prophètes, les anges et les pieux ne méritaient pas l'adoration, ils ont pris cela comme étant une insulte. Pourquoi cela? Car ils ont exagéré sur ces créatures qu'Allah nous en préserve. Et cela est une chose très courante. À partir du moment où quelqu'un exagère sur une autre, le fait de le remettre à l'ordre et de lui montrer son réel statut, cette personne-là va prendre cela comme étant une insulte. Exactement ce qui est dit sur certains savants, qu'ils soient bons ou mauvais. certaines personnes exagèrent sur des faux savants, des gens qui sont des imposteurs. Donc cela va être plus corsé pour remettre à la raison ces personnes. Et d'autres, malheureusement, exagèrent sur des savants qui sont reconnus dans la Ummah, mais qui pour autant n'acceptent aucune critique d'eux. Le fait simplement de dire qu'un tel s'est trompé, il considérera cela comme étant du ta'n, une critique vis-à-vis de ce savant, ce qui est totalement faux. Wallah al-musta'an. Regardez donc les méfaits de l'exagération envers des créatures. Elles peuvent mener à la dispute et à la division. Qu'Allah nous en préserve. Donnez donc à chacun la place qu'il mérite, ou plutôt la place qu'Allah lui a donnée sera en réalité un rempart contre la divergence et la division qui s'est malheureusement fortement propagée chez nos frères et nos sœurs. Qu'Allah nous en préserve. Et le shir de conclure, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ إِسْلَامُ وَلَوْ وَحَدَ اللَّهُ وَتَرَكَ الشِّرْكِ إِلَّا بِعَدَاوَةِ الْمُشْرِكِينَ والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى الآية. Si tu comprends cela, tu sauras que l'islam de la personne ne sera pas véritable, et cela même s'il adore Allah seul et délaisse le shirk, qu'avec quoi? Adawatul mushrikin, le fait de prendre pour ennemis les polythéistes et de montrer clairement que ce sur quoi il se repose est vain. Parmi les preuves de cela, et on reviendra ensuite sur le verset que le Cheikh a évoqué, Sourate 60, Al-Mumtahana, verset 4, où Allah nous dit: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Une fois qu'Ibrahim عليه السلام leur a montré clairement la réalité des divinités que son peuple adorait et qu'il les a cassés, Allah nous dit: certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et ici, le désaveu doit être total, car son peuple adorait des choses inertes, à l'inverse de ceux qui adorent des rapprochés d'Allah tels les anges, les prophètes ou bien des pieux. Le désaveu sera total vis-à-vis des adorateurs car ils ont donné des associés à Allah. Quant aux adorés, le désaveu est partiel. On se désavoue du fait qu'ils méritent l'adoration, mais leur place reste intacte dans notre cœur vis-à-vis d'eux. On continue à les aimer et à les suivre, etc., etc. On continue à leur donner les droits qu'Allah leur a octroyés. On reprend sur la parole d'Ibrahim a.s. Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire jusqu'à que vous adoriez Allah seul, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui mérite l'adoration. Le musulman se doit donc de rejeter l'injustice et ne pas se contenter seulement d'adorer Allah seul, et de ne pas faire d'injustice. Il doit, pour parfaire son islam, se désavouer des injustes aussi. Et si l'on revient à l'exemple de la vie mondaine qu'on a donnée, tout sera plus clair. Je m'explique. Le patron qui n'a pas donné le droit à son salarié. Qu'espère ce salarié des autres ? Il espère que les gens fassent tout ce qui est dans leur capacité afin qu'il ait son droit en entier. Et il n'accepterait sûrement pas que des personnes, même s'ils sont d'accord que c'est de l'injustice, il n'accepterait pas de voir ces personnes-là parler de la manière la plus normale avec ce patron injuste. Il considérera cela comme étant une trahison de leur part, ce qui est totalement normal. Qu'en est-il alors de gens qui leur vouent de l'amour, sont complaisants avec eux ou bien même s'allient avec eux alors qu'ils savent qu'ils sont injustes? L'extrême minimum est au moins de les détester par son cœur, ce qui est ad'aful iman, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la foi. Voilà pourquoi le shir a évoqué un autre verset qu'on va évoquer maintenant. Wallah dit: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Sourate Al-Mujadala 58, dernier verset. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Donc ça n'existe pas. Il n'existe pas une personne qui a une croyance véritable en Allah et au jour dernier, aimer ceux qui pratiquent la pire des injustices qu'est l'association. S'il s'avère qu'il aime l'injustice ou les injustes, cela nous prouverait donc que sa foi est incorrecte. On s'arrête ici pour ce cours-là. L'essentiel est que chaque événement de la vie du prophète alayhi salat wa salam soit compris pour qu'enfin on puisse le mettre en application. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.